Dossier 6. Livre page 73. Question A. Deux amis jouent un jeu de cartes avec des questions-réponses. On fête Noël le 25 décembre. C'est une fête religieuse ou sociale? C'est une fête religieuse. À moi maintenant. Notre fête nationale en Syrie, c'est quand? C'est le 17 avril. La fête du 1er mai. C'est quelle fête? C'est une fête sociale. C'est la fête du travail. La fête de la musique en France. C'est quand? Oh, je ne sais pas. C'est une fête sociale qui a lieu le 21 juin. Tu sais quelle fête on célèbre le dernier jeudi de décembre? Oh, c'est la fête de l'arbre.